Chapitre 24e. Difficulté. Madame Halliburton luttait toujours, et c'était une lutte à laquelle l'âme électrice, vous ne serez jamais appelée, je l'espère. Elle avait pris un coup dans les gants et M. Lynn lui avait fourni une machine et de l'ouvrage, mais elle ne pouvait travailler aussi régulièrement qu'elle l'aurait voulu. Ce fut cependant pour elle un jour béni, que celui où elle vit qu'elle pouvait gagner 7 francs par semaine. Madame Rice, ou plutôt Dobbs, lui payait tous les 8 jours ses 25 francs. Elle avait calculé qu'elle en pouvait dépenser 10 pour son ménage et garder les 15 autres pour le loyer. Souvent tentée comme elle l'était par le froid, par la faim, Jane était bien décidée à ne pas toucher à ses 15 francs. Un soir, vers le milieu de février, elle se sentit bien abattue. Son gain et les 10 francs de Madame Rice ne lui faisaient guère que 16 francs par semaine, pour l'entretien complet de son ménage, le charbon, la lumière, le savon nécessaire à Mademoiselle Betsy, les raccommodages de souliers et autres bagatelles. Aussi, ce soir-là, ne restait-il littéralement dans la maison qu'un morceau de pain. Jane était bien résolue à ne pas faire de dette. Madame Buffle lui aurait probablement fait crédit, mais Jane se disait que sa seule ressource était d'éviter la moindre dette. Ils avaient ce jour-là mangé du pain pour déjeuner, des pommes de terre pour dîner. Jane n'avait plus dans sa bourse que 4 sous, avec lesquels elle comptait acheter du lait le lendemain. 2 des garçons étaient à genoux devant le feu, tout heureux de pouvoir se chauffer. William avait appris avec son père le latin et le grec, et toutes les branches d'une bonne éducation. Il aidait ses frères de son mieux, mais l'ouvrage n'avançait guère et Jane sentait bien qu'il aurait fallu qu'ils allassent à l'école. Une autre chose l'inquiétait, la crainte que son frère ne pût lui envoyer le loyer. Elle y avait compté, mais aujourd'hui que le moment approchait, les doutes l'assiégeaient. Elle y songeait en ce moment, assise à son ouvrage et profitant des dernières lueurs d'un beau jour. Si l'argent n'arrivait pas, tout ce qu'elle pourrait faire serait d'aller chez M. Ashley, de lui faire part de son nouveau malheur et de lui laisser vendre ses meubles. Il s'en irait ensuite. Un gémissement plaintif interrompit le cours des pensées de Jane. C'était Jenny assise sur un petit tabouret, la tête appuyée contre la cheminée. « Elle pleure, maman !» cria Frank. Jenny murmurant quelque chose à l'oreille de Frank. Ses pleurs se changèrent en sanglots. « Maman, elle pleure parce qu'elle a faim !»« Jenny, mon enfant, je n'ai que du pain. En veux-tu un morceau ?»« Je veux quelque chose d'autre !» sanglota Jenny. « Je veux de la viande ou du gâteau. Il y a si longtemps que nous n'en avons pas eu. Je suis fatiguée de pain sec, j'ai très faim !» Un autre gémissement vint faire écho à la demande de Jenny. Garth s'était couché la tête sur le plancher et pleurait à son tour. « J'ai faim, moi aussi. Je n'aime pas plus le pain que Jenny. Quand aurons-nous quelque chose de meilleur ?» Jane les prit tous les deux dans ses bras, les calma par ses caresses, quoiqu'elle-même sentit les sanglots étouffer sa voix. Une seule consolation lui restait. Dieu savait ce qu'elle avait à souffrir. Elle commença à craindre pour sa propre santé. Son anxiété jointe au manque de nourriture suffisante, ses nuits sans sommeil, son chagrin de la mort de son mari, chagrin toujours profond, quoiqu'elle n'en fît pas parade, tout cela aurait-il pu n'avoir aucun effet sur elle? Elle se leva de bonne heure le lendemain matin. Elle était toujours debout de grand matin maintenant. Les garçons et Jane faisaient le déjeuner. Le déjeuner. Ils n'avaient qu'à mettre le pain sur la table. Elle y achetait pour 4 sous de lait. Sa tête était lourde. Ses tempes battaient. Ses membres étaient fatigués avant que la journée eût commencé. Elle ressentait cette profonde détresse d'esprit qui prédispose un malade à se coucher et à mourir. « Cela n'ira pas, » pensait Jane, « il faut que je sois ferme. » Une dispute s'éleva entre Frank et Garth. C'étaient de bons petits garçons, et les chicanes ne les empêchaient pas de s'aimer. En essayant de les apaiser, Jane fendit en larmes. Les enfants la regardèrent, consternés, et Jenny se mit à sangloter nerveusement. « Jenny, Jenny, tais-toi !» dit la pauvre mère. « Je ne suis pas bien, mais ne pleure pas. »« Je ne suis pas bien non plus, » sanglotait l'enfant. « J'ai mal ici et là. » Elle portait la main à sa tête et à sa poitrine. Jane savait trop bien ce que cela signifiait. Un moment après le déjeuner, le facteur frappa à la porte. Il apportait une lettre, une grosse lettre de 4 sous. Jane la regarda, le cœur palpitant. Oui, c'était bien là l'écriture de son frère. La somme promise était-elle réellement là-dedans? « Je n'ai pas du tout d'argent, Frank. Va prier Dobbs de te prêter 20 centimes. » Frank, avec sa brusquerie et son manque de cérémonie habituelle, s'élança dans la cuisine où était Dobbs. « Dobbs, voulez-vous prêter 20 centimes à maman, s'il vous plaît? C'est pour une lettre. »« Dobbs? Et qui est Dobbs, je vous prie ?»« répliqua la dame en colère. « Je suis Madame Dobbs, s'il vous plaît. Ôtez-vous de devant mes yeux, je sais ce que vous ayez appris de meilleure manière. » « Mais ne voulez-vous pas me prêter 20 centimes ? Le facteur attend. »« Non, je ne veux pas. » Franck retourna vers sa mère. « Elle a refusé, maman. Elle dit que j'étais malhonnête parce que je l'appelais Dobbs. Oh, Franck !» Mais le facteur s'impatientait, demandant si on comptait le garder là toute la journée. Jane fut obligée de s'adresser elle-même à Dobbs. Puis elle monta l'escalier et ses doigts tremblants purent enfin briser le cachet. Deux billets de banque de 250 francs chacun s'en échappèrent. La somme promise avait été de 400 francs, mais le révérend Francis Tate avait réussi à économiser 100 francs de plus. Avant que Jane eût pu se remettre de son émotion, presque avant qu'un flot de remerciements fût sorti du fond de son cœur, elle aperçut M. Ashley se dirigeant vers Elstonleigh. Incapable de réfléchir, sentant seulement qu'elle avait là dans la main ses deux billets de banque, elle mit à la hâte son châle et son chapeau et traversa la route pour aller droit à M. Ashley. « Oh, monsieur, commença-t-elle, sachant à peine ce qu'elle disait, je vous demande pardon, mais je viens de recevoir à l'instant mon loyer arriéré. Puis-je vous le remettre maintenant ?» M. Ashley la regarda avec étonnement. Une tache rouge brillait sur ses joues amaigries. Un air de bonheur illuminait sa figure. La lettre ouverte dans sa main, le facteur en face disait toute l'histoire. « Il n'y a rien qui presse, Madame Halliburton, » dit-il en souriant. « Je ne puis pas vous donner de quittance ici. Vous pouvez me l'envoyer, monsieur. J'aimerais mieux payer mon loyer à vous qu'à Monsieur Dare. » Elle lui tendit les billets et la regarda s'il avait dans son porte-monnaie de quoi lui rendre. « Voici 100 francs, madame. Je vous remercie. » Elle les prit en hésitant. « N'y a-t-il pas eu des frais quand cet homme a été envoyé ?»« Ce n'est pas à vous à les payer, Madame Halliburton. » dit-il avec intention. « J'espère que vous surmonterez vos embarras. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle se détourna. « Je vous remercie de votre intérêt, monsieur, » dit-elle avec douceur. « Je compte que mon trimestre sera prêt en mars. » « Je vous en prie, ne vous en tourmentez pas, madame. Si cela vous convient mieux de me payer que tous les 6 mois, vous le pouvez parfaitement. »« Merci, monsieur, merci, » fit-elle avec reconnaissance. « Mais j'aime mieux vous payer à chaque terme. » Patience attendait, souriante, au portail comme Jane retraversait la route. Elle avait vu ce qui s'était passé. « Tu as de bonnes nouvelles à ce que je vois, mais tu étais bien pressée pour t'en aller payer ton loyer au milieu de la route. Mon frère m'a envoyé le loyer et 100 francs de plus, Patience. Je pourrais maintenant acheter les tapis. » Patience paraissait contente. « Avec tes richesses, dit-elle, c'est à peine si tu me remercieras de ces pauvres 4 francs. Samuel Lynn les a laissés. C'est ce qu'il te devait pour ton ouvrage. » Jane sourit tristement les prenant. « Ses richesses. »« Comment est Anna ? » demanda-t-elle. « Elle est assez bien, je te remercie. Elle est allée à l'école, mais elle a eu de la peine à faire ses leçons ce matin. Adieu, je suis bien aise que tu sois hors de tes embarras. » Elle était en effet bien soulagée. « Pouvez-vous, amie lectrice, comprendre les chagrins de Madame Halliburton ? Nous plaignons les épreuves des pauvres, mais croyez-moi, elles ne sont rien. » Comparait celle des personnes aisées subitement réduites à la misère. Sans l'espérance et la confiance, Jane aurait eu peine à résister à tant de privations. Aussi ne devons-nous pas nous étonner que ce présent inattendu d'un billet de 100 francs lui parût un océan de richesses.